اذكروا الله تعالى لا تكن فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون يتطهروا والله يحب المطهرين ورسول الله il dit à son prophète, ne te tiens jamais debout. Un masjid qui a été fondé sur la taqwa du premier jour, les plus endroits que tu tiennes debout, que ce masjid-là dans lequel tu vas être. Il se trouve des hommes qui aiment se purifier et Allah aime ceux qui se purifient. Donc, هذا نزلت في مسجد الدرار. Masjid que des, à l'époque où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait déjà fait Masjid Quba al-Madinah, qui est le masjid qui était bâti sur la taqwa du premier jour. Hada wa hatta al-Masjid al-Nabawi. Kila huma kada, les deux. Donc c'est ce masjid-là, dans ce verset qui est visé, dont Allah fait l'éloge. Et lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est parti à Tabouk, Razot Tabouk, la bataille de Tabouk, les munafiqoun ont décidé de s'en prendre aux musulmans. فَمَاذَا فَعَلُوا بَنُوا مَسْجِدًا لِتَفْلِيقِهِمْ. Ils ont fait un masjid pour les diviser. D'accord. لَكِنْ حَتَّى لَا يُفْدَحُوا مَاذَا فَعَلُوا. Ils ont fait quoi? Pour ne pas justement dévoiler ou quoi que ce soit. Le Nabi qu'on se cache. Ils ont informé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'ils ont fait un masjid pour les gens faibles, les gens malades, ou les moments où c'est difficile d'aller se rendre à Quba. Donc ils ont dit au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, viens faire salat dans ce masjid, chez nous. C'est pour montrer l'agrément et trouver la baraka. فَوَعَدَهُمُ النَّبِي sallallahu alayhi wa sallam بِالْمَدِي. Il leur a promis de venir. ثُمَّ بَعْدُ رُجُعِي مِنْ تَابُوكِ أُنْزِلَتْ هَدِي الْآيَةِ. Allah l'a averti que ce masjid-là, là, qu'ils ont fait, c'est un masjid d'horreur, de nuisance, pour diviser les musulmans. Donc il a ordonné qu'ils soient détruits. Et ils lui ont interdit de faire la salat. Donc là, on voit le makre des gens du nifaq et yuqas alayhi ahl bid'a, les gens de la hizbiya, les gens de la bid'a, qui veulent diviser les rangs, les gens de la sunna, ils y prennent de la sorte. Ces munafiqoun, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour avoir être à sa tour, se dissimuler, ils ont dit, nous, le prophète, il va venir, il va faire la salade chez nous. Il n'y a rien dans le masjid. On l'a appelé pour qu'il vienne. Les autres sont pareils. Cheikh Atel, on l'a appelé, il va donner l'aval pour qu'on fasse ce projet-là. Il nous connaît, il fait la tasqiya, il va venir. Il va faire des muhadara, des douze par téléphone, et kaza, et kaza, et kaza. Donc ne pas se faire avoir par ce genre de fausses apparences. Ils ne vont jamais dire, ouais, on a fait ça pour vous faire la misère. Jamais ils vont dire. Toujours trouver un makr. Donc, chercher les teskiyas de gens affiliés au ilm et émouches autour des gens. Les inviter. Leur dire, venez. D'accord. Et leur cause, en réalité, c'est quoi? Al-Furqa. Faire la division. Donc, tout masjid qui a été bâti en vue de concurrencer un autre masjid sur la sunna ou quoi, ce masjid-là, yakhoud hukm masjid al-darar. On ne doit pas y aller. Et ce masjid doit être détruit. Par exemple, tu verras, dans un quartier, tu ne feras pas deux masjids jamir pour le Jumu'ah. Pour le salawat kham, c'est. Alors, tu peux. Mais là, par exemple, tu as un gros masjid, il y a le Jumu'ah qui s'y fait. Et on va dire, allez, trois peu plus loin, tu en as un autre. On dit là. Là. Tout le monde va dans le jamir. Le gros masjid. Celui-là, vous faites le salawat, mais le Jumu'ah, on est tous au même endroit. Pourquoi? Ça va amener à quoi? Indivision. Même demain, tu as un masjid dans lequel tu as des durous ou quoi. On dit par exemple, tu vois ce masjid qu'on a ici là? Eh bien, on dit qu'au bout de la rue, ils en font un autre avec des durous. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va faire une forqa. Akid. Même à Demmaj, depuis l'époque de Shemokbil, quand ils ont fait le masjid qui est à la Mazraa, c'est un autre quartier loin où il y avait les gens mariés. Ça faisait un petit peu loin pour aller jusqu'au Merkez, des fois ils n'avaient pas le temps. Ils ont un masjid là-bas pour faire un salawat. Mais après, ils devaient venir au Merkez pour les durous. n'y a pas le shir, il fait drous. En Marrakech, toi tu fais des drous au même moment que lui, dans le masjid de Mazra'a, ou tel masjid là. Le shir, il est là, c'est drous. Les drous âmes sont les siens, c'est là qu'on doit aller. D'accord ? Sinon, ça mène à quoi ? Une division, qu'on s'en rend compte ou pas. Donc attention au makr de ces gens-là, qui se cachent derrière les teskiyats, et derrière les shir intel, il nous connaît. Shir intel, il va venir. Shir intel, on en contact avec lui, et kaza et kaza. Shir intel, ils n'en ont rien à faire. Leur but, c'est juste de tapater. Et de se cacher derrière lui. D'accord ? Ils ne viendront jamais directement te montrer leur vrai visage, mais ils viendront avec le makr. Donc attention aux mosjid et dara. Les mosjid des gens de la bid'a qui sont venus pour diviser les rangs, ils prennent ce jugement-là.